Deuxième livre de Samuel, chapitre 8. Après cela il arriva que David battit les Philistins, et les abaissa, et David prit Metegama de la main des Philistins. Il battit aussi les Moabites, et les mesura au cordeau, les faisant coucher par terre, et il en mesura deux cordeaux pour les faire mourir, et un plein cordeau pour leur sauver la vie, et le pays des Moabites fut à David sous cette condition, qu'il lui serait sujet et tributaire. David bâtit aussi Hadadézer des fils de Rehob, roi de Tsoba, comme il allait pour recouvrer ses limites sur le fleuve d'Euphrate. Et David lui prit 1700 hommes de cheval, et 20 000 hommes de pied, et coupa les jarrets des chevaux de tous les chariots, mais il en réserva 100 chariots. Car les Syriens de Damas étaient venus pour donner du secours à Hadadézer roi de Tsoba, et David bâtit 22 000 Syriens. Puis David mit garnison en Syrie de Damas, et le pays de ces Syriens fut à David sous cette condition, qu'il lui serait sujet et tributaire, et l'Éternel gardait David partout où il allait. Et David prit les boucliers d'or qui étaient aux serviteurs d'Hadadézer, et les apporta à Jérusalem. Le roi David emporta aussi une grande quantité d'airain de Béta, et de Bérotaï, ville d'Hadadézer. Ortoï, roi de Hamath, apprit que David avait défait toutes les forces d'Hadadézer. Et il envoya Joram son fils vers le roi David, pour le saluer, et le féliciter de ce qu'il avait fait la guerre contre Hadadézer, et de ce qu'il l'avait défait, car Hadadézer était en guerre continuellement avec Toï, et Joram apporta des vaisseaux d'argent, et des vaisseaux d'or, et des vaisseaux d'airain, lesquels David consacra à l'Éternel avec l'argent, et l'or qu'il avait déjà consacré du butin de toutes les nations qu'il s'était assujetti, de Syrie, de Moab, des enfants de Ammon, des Philistins, de Amalek, et du butin d'Hadadézer, fils de Rehob, roi de Tsoba. David s'acquit aussi une grande réputation de ce qu'en retournant de la défaite des Syriens, il tailla en pièces dans la vallée du sel 18 000 Iduméens. Et il mit garnison dans l'Idumée, il mit, dis-je, garnison dans toute l'Idumée, et tous les Iduméens furent assujettis à David, et l'Éternel gardait David partout où il allait. Ainsi David régna sur tout Israël, faisant droit et justice à tout son peuple. Et Joab fils de Tseruja avait la charge de l'armée, et Jéhozapha fils d'Ahilu, était commis sur les registres. Et Tsado fils d'Ahitub, et Ahimelec fils d'Abiatar étaient les sacrificateurs, et Seraja était le secrétaire. Et Benaja fils de Jéhojada, était sur les Kérétiens et les Pélétiens, et les fils de David étaient les principaux officiers.